La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Fabien Caïto pour évoquer le livre La polyphonie depuis 1950, paru aux éditions Aedam Musicae. Thank you. Polyphonie X de Pierre Boulez pour ouvrir cette émission. Bonjour Fabien Caïto. Bonjour. Polyphonie X, c'est aussi le début de votre réflexion dans ce livre, La polyphonie depuis 1950, parce qu'elle est emblématique d'un croisement entre deux types de polyphonie, la polyphonie verticale et la polyphonie horizontale. Peut-être qu'on peut commencer par dire la différence entre ces deux polyphonies. Alors, c'est-à-dire que... On peut effectivement voir une dimension horizontale dans la polyphonie qui serait typiquement le modèle de la fugue de Bach, et donc des voix qui s'imitent, donc des superpositions de lignes horizontales. Et puis l'idée de la dimension verticale dans la polyphonie, c'est de se dire que ces voix qui sont superposées, à un moment donné, créent donc des rencontres. Et donc le compositeur va prendre en compte aussi, évidemment, cette rencontre de façon verticale. La dimension horizontale et la dimension verticale, finalement, proviennent d'une vision spatiale du temps qui s'écoule. Globalement, c'est comme la partition. On a un peu les hauteurs sur la dimension verticale et le temps sur les dimensions horizontales. Et alors, le contrepoint apparaît à un moment de collaboration particulière entre les deux types de polyphonie, on pourrait le reformuler comme ça ? Oui, ou tout du moins, au XVIIIe siècle, quand on va parler de contrepoint, on va y associer la notion d'harmonie. C'est au XVIIIe siècle aussi que, de toute façon, la notion d'harmonie devient prégnante en musique. Et donc, du coup, le contrepoint prend en compte cette idée d'harmonie, donc cette dimension verticale. C'est quoi le contrepoint si, Alors, le contrepoint, pour essayer de faire simple, ça va être le fait que deux lignes et des correspondances, point contre point, ou note contre note, à la base. Et donc, dans l'idée du contrepoint, les deux lignes ont la même importance. Alors que, dans une musique de manière générale, que ce soit une mélodie ou une musique actuelle ou populaire, il va y avoir la mélodie, le chant, qui va avoir plus d'importance que la basse. Quand on dit polyphonie, c'est bien qu'on affirme qu'il y a plusieurs voix, donc elles sont un peu à égalité d'importance. Ouais, c'est ça l'idée finalement. Quand même. Et alors, quand Boulez fait polyphonie X, il induit l'idée d'une polyphonie diagonale, c'est-à-dire quoi ? À la fois verticale et horizontale, indémêlablement les deux ? C'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que ça serait une troisième dimension, cette dimension diagonale dans la polyphonie, donc l'horizontale et le vertical comme on vient d'en parler. Mais en plus, lui, il y ajoute ce qu'il va appeler une polyphonie de polyphonie. Pour une faire simple... Une métapolyphonie, alors. Ou alors une métapolyphonie, voilà. C'est-à-dire pour faire simple, c'est-à-dire que son écriture, cette œuvre de polyphonie, Polyphonie X, date de 1950. Il faut savoir qu'il l'a retirée de son catalogue, hein. Mais elle est très intéressante de par le titre, pour notre étude, de par sa date aussi. Et puis, dans le fait que, justement, il y développe cette dimension de polyphonie de polyphonie. Donc, cette œuvre est d'écriture sérielle. Et donc, l'idée, c'est que chacun des quatre paramètres de la musique, que sont les hauteurs, les rythmes, les intensités et les timbres, chacun de ces quatre paramètres sont ordonnés, pensés et composés par Boulez, suivant une série, ou même plusieurs séries, donc ce qu'on va appeler une structure. Et lui, il va décider de combiner également ces séries et ces structures entre les paramètres. Il faut un peu l'idée de polyphonie de polyphonie. Expliquer rapidement que le sérialisme tel qu'il avait été installé par Schoenberg, porté sur les hauteurs, avec l'idée de faire une gamme qui emploie systématiquement tous les sons disponibles dans la gamme chromatique, les 12 sons, et ce que fait Boulez, c'est donc un sérialisme intégral qu'il applique cette idée de série, de maximalisation des possibilités aux autres paramètres que vous venez de nommer. Exactement, il fait ça à la suite d'Olivier Messiaen. Hein. C'est Olivier Messiaen le premier dans l'histoire. Qu'il fait. Venons-en à Messiaen, puisque justement c'est le deuxième exemple de polyphonie sur lequel vous vous arrêtez, avec le prêche aux oiseaux dans le grand opéra Saint-François d'Assise. Pourquoi ce moment ? Justement parce que il y a, vous dites immersion. Oui, c'est l'idée. On va développer au long de cette émission trois calques, dans le sens où on essaye de cartographier le territoire de la polyphonie. Et vous savez que nous, les musiciens, on accorde de l'importance au lien entre forme et contenu. Et je me suis dit, finalement, pour creuser l'idée de polyphonie et pour cartographier ce territoire de la polyphonie, nécessairement, il va falloir une carte polyphonique elle-même, d'où l'idée de ces calques qu'on superposerait. Et le premier calque serait donc celui de l'immersion, puisque finalement, il y a pas mal d'exemples d'œuvres polyphoniques depuis 1950 qui nous immergent en tant qu'auditeurs. Et peut-être un des plus beaux exemples, effectivement, c'est ce prêche aux oiseaux dans l'opéra de Messiaen de 1983, Saint-François d'Assise, dans lequel on se retrouve, mais complètement immergé, finalement, dans une polyphonie d'oiseaux. Qui dit immergé dit potentiellement perdu. En tout cas, c'était le cas du chef d'orchestre Seiji Ozawa au moment de la création, le 28 novembre 1963. Vous nous rappelez qu'il l'avait jugé la partition inexécutable. Oui, parce que, en fait, le chef doit maintenir des battues très exactes pour une partie de l'orchestre, qui sont l'ensemble des bois, les cordes, les cloches, xylophone, xylorimba et marimba. Et dans le même temps, d'autres instruments interviennent de façon ponctuelle dans un tempo libre. Mais c'est le chef qui doit leur indiquer les départs et les arrêts de leurs interventions. Alors on va écouter ce que ça donne. Thank you. un extrait du Prêche aux oiseaux, extrait de Saint-François d'Assise, l'opéra d'Olivier Messiaen, Fabien Caïto. Vous le prenez comme exemple de polyphonie absolument immersive, mais d'une polyphonie qui joue sur plusieurs paramètres. C'est aussi une polyphonie, on a entendu, de rythme, une polyrythmie, mais aussi une polyphonie de timbre. Absolument. Olivier Messiaen était organiste, et donc... Il gérait ce qu'on appelle les mixtures, c'est-à-dire que une mélodie, en même temps qu'un instrument joue une mélodie, un autre instrument va jouer la même mais une octave au-dessus, et puis un autre une dixième au-dessus, et puis un autre, enfin voilà. Les mixtures, ce sont donc le fait de tirer plusieurs jeux en même temps à l'orgue, et donc ça décuple un petit peu la mélodie qui est jouée. Et du coup, l'art de l'orchestration était complètement maîtrisé, bien sûr, par Olivier Messiaen. Et puis, autre polyphonie aussi, il y a quand même une espèce de spatialisation, alors à la fois qu'on ressent quand on est face à l'orchestre. Et puis en plus, il avait disposé les trois ondes Martenot à différents endroits sur la scène. La question de la spatialisation dans l'histoire de la musique du XXe siècle, elle est amplifiée, c'est bien le cas de le dire, par la diffusion par haut-parleurs, vous rappelez la découverte de la musique concrète par Pierre Schaeffer, par Stockhausen dans les années 1950, et la rencontre que Stockhausen fait de la musique concrète va lui donner des perspectives qui vont lui faire reconsidérer la spatialisation du son, la façon dont on met les instruments dans l'espace. Stockhausen va chercher à, j'allais dire, développer une polyphonie avec un cinquième paramètre. On ajoute un cinquième au paramètre dont on parlait tout à l'heure, qui va être donc effectivement l'espace. Alors, la première œuvre qui travaille vraiment là-dessus, c'est Gruppen, de 1958, avec trois orchestres. Et puis, deux ans après, en 1960, eh bien, il va étendre ça à quatre orchestres qui sont diffusés, donc qui sont placés aux quatre coins de la salle, et le public se retrouve au centre. Et ce qui va permettre à Stockhausen de jouer sur des dialogues à deux, ou en triangle à trois, et puis aussi en carré à quatre, et des sons qui vont passer au-dessus du public ou qui vont tourner autour du public. C'est révolutionnaire à la fin des années 50 de se retrouver comme ça au milieu de plusieurs orchestres. Oui, et puis... Je trouve que ça redonne son caractère exceptionnel au concert, finalement, parce que, du moins en stéréo, à la maison, plus difficile de se retrouver là-dedans. Alors, il y a des dispositifs qui commencent à être démocratisés, notamment le 5.1, et on peut avoir plusieurs enceintes à la maison, mais du coup, notamment pour ces œuvres-là, le concert garde d'autant plus son caractère exceptionnel. L'œuvre s'appelle Carré, on comprend donc pourquoi, puisqu'elle a quatre côtés, quatre orchestres, et le fait d'avoir cet écarquillement des musiciens va, on dirait, amplifier la volonté d'exagérer certains des traits pour qu'ils soient très caractéristiques et d'aller chercher dans les registres extrêmes des voix. Oui, on a effectivement... Vous parlez de pic de présence de certains timbres. C'est ça. Puisque l'idée de Stockhausen, qui a travaillé, comme vous le disiez, dans les studios de musique électronique à Cologne, ça va être d'orienter l'oreille à travers des timbres et des cellules jouées par des instruments qui vont tourner comme ça entre les orchestres et qui vont constituer des repères ou des signaux pour jouer sur cette polyphonie spatiale. Fabien Caïto est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Karl-Heinz Stockhausen, mais alors aussi Maurizio Kagel, Michael Gillen et Andrzej Markowski qui dirigent les quatre orchestres de ce carré de Stockhausen, dont on disait avec vous, Fabien Caïto, que c'est un exemple spécialement spectaculaire de polyphonie, spatialisée donc, à la suite de la découverte que Stockhausen a pu faire de la musique concrète et donc de la spatialisation par haut-parleur. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de la spatialisation va aussi l'amener dans la composition, dans la forme, à renforcer l'hétérogénéité des timbres, et puis aussi à éclater, à disséminer la forme, et on a ce que vous appelez des amas rythmiques, comme ça, une progression par fragment. Et peu à peu, Stockhausen se dirige vers ce qui va, un concept qui va lui-même inventer, la moment form. C'est l'idée que la forme résulterait d'une volonté de composer des états et des processus à l'intérieur desquels chacun des moments va constituer une entité personnelle. La question de la forme, elle a toujours été importante, bien sûr, chez les compositeurs. Et avec la volonté de table rase du début de la musique contemporaine, hein, en 1945, suite à la Seconde Guerre, la question de la forme va se poser différemment selon les compositeurs. Comment garantir une cohérence? Comment garantir une unité? Et faut-il que cette cohérence ou cette unité soit perçue? Et finalement, notre étude de la polyphonie va traverser aussi cette question-là. La question du rapport entre conception et perception. Pour reprendre l'exemple de Boulez tout à l'heure, dans sa conception, on sait qu'il y a une polyphonie de polyphonie. On sait qu'il y a des structures, des séries. En revanche, on ne les perçoit pas du tout. On ne peut pas les percevoir. Et lui-même le sait. Ça veut dire que ce n'est même pas l'enjeu d'écoute. Voilà. Mais on est en 1950. C'est presque un cas extrême. Et puis de là, plusieurs compositeurs vont se poser la question de la perception tout de même. On en reparlera tout à l'heure avec Xenakis notamment. Mais donc Stockhausen, lui aussi, va se poser cette question-là. Et c'est en creusant ça qu'il va arriver à cette idée de moment form. Alors la moment form, elle n'est pas encore tout à fait conceptualisée au moment de Carré, mais ce sera deux ans plus tard, avec une œuvre qui s'appelle Momente, que là il aura complètement son concept de moment form. Et alors, juste avant de faire Carré, il fait donc de la musique électronique à la radio allemande. Et là, il y a Ligeti, qui a fui la Hongrie après la révolution de 1956, qui entend cette œuvre à la radio en février 1957. Et pour Ligeti, ça va modifier la conception qu'il a de la polyphonie. Il faut savoir que, avant de fuir la Hongrie, Ligeti a composé quelques premières œuvres. Globalement, on peut dire qu'elles sont dans le style de Bartók, de Béla Bartók. Et puis, il arrive à Cologne, dans le studio de musique électronique, et là, il entend le son différemment. On peut rapprocher ça de l'idée d'écoute réduite. C'est Pierre Schaeffer qui a théorisé ça. L'écoute réduite, c'est l'idée d'écouter le son pour lui-même. Globalement, quand on entend un son, l'être humain entend un son soit pour sa cause, c'est Nietzsche qui disait que l'oreille c'est l'organe de la peur, soit pour sa signification, notamment à travers le langage. Nous en musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'entends un son, je vais me dire, tiens, c'est du violon, ou c'est violon plus clarinette plus piccolo. Ou bien je vais me dire, tiens, là j'entends ce son-là, c'est le deuxième thème de la forme sonate, ça a cette signification-là. Et Pierre Schaeffer, qui a inventé la musique concrète en 1948, lui s'est dit, bon non, on va écouter le son en lui-même, pour lui-même. C'est ce qu'il a appelé l'écoute réduite. Et du coup, ça a orienté non seulement les compositeurs de musique concrète, de musique électroacoustique, mais aussi tous ceux qui sont passés par les studios de musique électronique, dont Stockhausen et Ligeti notamment. Et Ligeti va donc écouter le son comme un complexe sonore, comme une masse. Et du coup, il va chercher, d'un point de vue perception, comment, avec l'orchestre, c'est pas de la musique électronique du coup, hein, qu'il fait dans les années 60, mais comment, avec l'orchestre, faire rentrer l'auditeur dans le complexe sonore. Et bah, il va penser lui aussi à de la polyphonie, alors que lui, il va appeler micro-polyphonie. Mais donc, on avance aussi dans notre étude là sur la polyphonie. Alors, c'est quoi donc la micro-polyphonie? Alors, l'idée de base, qu'on a bien là notamment dans son œuvre de 1961 qui appelle Atmosphère. Le titre nous aide bien aussi d'ailleurs dans notre étude sur la polyphonie. Atmosphère, c'est-à-dire que ça va être un état qui va nous entourer complètement, un petit peu comme un état gazeux. L'idée de base, c'est de faire un canon. Alors là, ici, c'est à 48 voix. Et les entrées du canon vont être très très proches, de l'ordre d'une cinquantaine de millisecondes, puisque ça va être à la triple croche sur la partition. Et donc c'est tellement proche que l'oreille ne va pas pouvoir discerner tout à fait les différentes entrées, mais va entendre un amas sonore, j'allais dire, ou du moins va pouvoir rentrer dans le son. Donc on n'est pas loin de la mixture à la Messiaen. C'est vrai. Simon Rattle à la tête du Philharmonique de Berlin dans Atmosphère de Ligeti. Alors on a expliqué avec vous, Fabien Caïto, comment Ligeti construit cette idée de micropolyphonie et la confectionne en quelque sorte, mais il l'associe à des expériences très extra-musical de fait et très commune. Il évoque un rêve d'enfant, sa chambre emplie d'une toile aux filaments très fins, extrêmement serrée et enchevêtrée. Il y a dans sa pratique de la micropolyphonie une sorte de projet de rentrer dans l'épaisseur de la matière pour en travailler la densité, quelque chose comme ça. Et du coup, l'idée de texture, de trame, de tresser des fils. C'est le côté Spider-Man de Ligeti, en fait, c'est ça. C'est un peu ça. C'est marrant parce que c'était repris par Kubrick, hein, cette musique Atmosphère dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce qu'il y a aussi un côté immobilité, quoi, où ça bouge mais sans qu'on s'en rende compte. Et c'est aussi cette idée de la toile et de la trame, quoi. Et Kubrick, il a très bien perçu comme ça et qui du coup le récupère pour l'Odyssée de l'espace. Cette idée de rentrer dans la matière, c'est une façon aussi d'expliquer comment procède ce qu'on appelle la musique spectrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la musique spectrale ? Alors on est plus tard que l'atmosphère. On arrive dans les années 70. Voilà, une dizaine d'années après. Mais ça vient aussi de cette idée effectivement de rentrer dans le son. L'idée de la musique spectrale peut-être, c'est de se dire on prend un microscope et on va voir comment s'est fabriqué le son. Un son, c'est une onde, mais c'est une onde qui est complexe. Pour expliquer, l'idée, c'est que une onde, c'est une sinusoïde. Mais si on écoute juste une sinusoïde, en musique électronique, on peut en fabriquer. Ça va faire un son très simple, très fin, j'allais dire, un peu comme un i. Et puis, en fait, dans la nature, il n'y a pas de sinusoïde pure. Tous les sons sont complexes. C'est-à-dire que ce sont des sinusoïdes qui sont additionnés, qui sont entendus ensemble. On va appeler ça les partiels du son. Et quand ces partiels sont dans un rapport de nombre entier, fois 2, fois 4, fois 8, on va appeler ça des harmoniques parce que le son va paraître plus harmonique à l'oreille. Ça veut dire que par exemple un diapason qui émet une fréquence de 440 Hz en même temps émet la fréquence double de 880 voilà, Hz, mais c'est un petit peu moins fort. Le la de l'octave supérieure, mais c'est un petit peu moins fort. Et donc du coup cette analyse spectrale, alors elle peut se faire à l'oreille quand on travaille l'oreille, mais avec les instruments des technologies, on peut maintenant mesurer l'ensemble des partiels et les représenter de façon visuelle, ce qui permet de rentrer vraiment dans le son. Donc dans les années 70, c'est un peu ce qui s'est passé avec les compositeurs de musique spectrale. Mais cette notion d'harmonique n'a pas été découverte dans les années 1970 par les compositeurs dispectro, c'est-à-dire que les chanteurs de chants grégoriens pouvaient, pour gagner en justice, faire attention aux harmoniques qu'ils émettaient déjà il y a plus de 1000 ans. Oui, ce qui va être nouveau là, c'est de penser un mode de composition à partir de cette idée de musique, de spectre sonore. Alors ça va donner plusieurs choses, ça va développer plusieurs choses dans ce courant spectral. La première chose qu'on comprend assez immédiatement, c'est de reconstituer un spectre sonore avec plusieurs instruments. Donc un instrument va faire la fondamentale, puis un instrument va faire la première harmonique, puis un autre la deuxième, etc. En indiquant des intensités différentes. Un des beaux exemples, c'est Partiel de Griset, dans les années 70. Et puis, dans l'idée du microscope, finalement, hein, puisque je zoome sur mon son, je rentre à l'intérieur du son, ça va jouer donc sur la perception des hauteurs et du son en lui-même, mais ça va jouer du coup sur l'idée de frontières ou d'effacement des frontières. Là où, dans les paramètres dont on parlait tout à l'heure, on disait la hauteur et le timbre sont deux paramètres différents. Mais sauf qu'on vient de voir avec les spectros que je peux reconstituer un timbre en donnant des hauteurs à des instruments différents, des hauteurs différentes et des instruments différents. Et donc finalement, hauteur et timbre seraient sur une même échelle, suivant le, ou sur un même axe, suivant le zoom que je fais. Et puis, en zoomant, on va avoir le même effacement de frontières entre rythme et hauteur. Parce que si je prends une hauteur, par exemple un Do à 32 Hz, donc très grave, ça veut dire qu'il y a 32 battements dans la seconde. Et donc ça, c'est aussi un rythme, quelque part. Donc c'est un peu un effacement comme ça des frontières ou des distinctions entre les paramètres qu'on avait jusque-là. Et ça va donc donner l'idée de continuité et donc du coup de processus, qui est une idée aussi très importante dans la musique spectrale. Donc c'est des évolutions progressives au cours de la composition. Vous détaillez une œuvre qui est devenue emblématique du spectralisme, c'est Vortex Temporum, justement parce qu'on pourrait le traduire par tourbillon de temps, et donc il s'agit d'entrer dans ce qui serait la matière sonore qui produit du temps. Exactement, et dans ce tourbillon de temps, Griset va s'attacher à faire entendre trois temps différents. Il explicite lui-même hein, dans le texte d'intention qui accompagne l'œuvre. Il dit il y a le temps dilaté des baleines, il appelle ça, le temps des hommes également, donc celui de la respiration, et puis le temps des oiseaux ou des insectes, alors là on retrouve Messiaen, qui va être un temps donc très rapide, contracté à l'extrême. Et au cours de cette œuvre, Vortex Temporum, à la fois il va pouvoir superposer ces différents temps, on va avoir une polyphonie de ces trois temps-là. Et puis parfois même, il va donner à entendre la déconstruction, reconstruction de cette polyphonie, puisque dans le troisième mouvement, il va se faire succéder ces différents temps. Ils vont se succéder de plus en plus vite jusqu'à se superposer dans un véritable tourbillon. Alors voici le deuxième mouvement de Vortex Temporum. Auteur du livre « La polyphonie depuis 1950 », Fabien Caïto est l'invité de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Tito Ceccherini à la tête de l'ensemble Risonians, extrait du troisième mouvement de Vortex Temporum de Gérard Griset, Fabien Kaito. On explore effectivement comment, par votre livre La Polyphonie depuis 1950, donc les compositeurs se saisissent de la question polyphonique en la reconceptualisant, on peut dire, et la reconceptualisant arrive à de nouvelles pratiques de composition. Vous disiez que ce livre procédait par calque. Le premier est donc l'immersion, le deuxième est la complexité. Avec la complexité arrivent les questions de mathématiques, et avec les questions de mathématiques arrivent quand même aussi les questions de perception avec Xenakis. Oui, c'est Xenakis qui fait un constat assez cinglant en 1954 dans un article intitulé « La crise de la musique sérielle » et qui globalement dit que à bien écouter de la musique sérielle, on a l'impression d'une musique un peu immobile, qui bouge pas, statique. Et donc il se demande l'intérêt d'utiliser ces règles de composition de la série, peut-être qu'on a pu les voir tout à l'heure, avec Polyphonie X de Pierre Boulez. Alors c'est pas le seul à questionner cette idée de la musique sérielle, du moins dans le fait de la pousser à l'extrême, et Pierre Boulez lui-même l'a questionné aussi. Et alors lui, il chemin faisant, il en arrive donc à se dire que finalement, l'idée, ce serait peut-être de penser une musique statique, et il va utiliser notamment des lois de répartition des molécules suivant des probabilités dans un gaz, et donc il va travailler un peu sur l'idée de l'aléatoire, du désordre et de la stochastique. Ça veut dire que là, on n'est plus dans la polyphonie comme superposition de voix, on est vraiment là. Alors, plus du tout. L'accumulation d'éléments. C'est ça. On est parti hein, finalement de cette idée de voilà, la polyphonie, c'est la superposition de voix, même avec la dimension diagonale de Boulez. Mais à la perception, le résultat donne finalement quelque chose d'assez immobile et d'assez statique. Alors, Boulez le revendiquait, hein, il parle des tableaux de Paul Klee, dans lesquels le regard peut se promener d'un plan à l'autre. Et il dit voilà peut-être la véritable polyphonie. Oui, parce que quand vous dites la stochastique, donc l'ordre des probabilités, on ne voit pas immédiatement la connexion avec la polyphonie. Et donc, en même temps, vous employez une image qui est très parlante, qui dit une logique probabiliste se retrouve dans de nombreux événements vécus par chacun d'entre nous. Et Xenakis prend l'exemple de la foule rassemblée sur la place d'une ville. Et effectivement, tous ces mouvements qui se croisent finissent par produire une polyphonie par la somme des probabilités de croisement. C'est ça l'idée. On peut relier aussi, là où on en est dans notre étude sur la polyphonie, et l'idée qui fait qu'on s'éloigne un petit peu de la superposition des lignes, à l'idée mathématique de système non linéaire. C'est pas pour appliquer de façon rigoureuse, mais la circulation de pensée est toujours intéressante, et notamment entre sciences et musique, depuis 1950, elle est assez répandue. L'idée, c'est que, normalement, dans un système linéaire, la somme de lignes va donner une ligne qui est la somme terme à terme. Pour le dire autrement, la somme de deux excitations va donner la somme de deux réponses correspondantes. Mais avec la théorie du chaos, on en arrive à des systèmes non linéaires, et donc la somme de deux excitations ne va pas forcément donner deux réponses qui seront la somme de chacune. Et alors, ce travail de modélisation mathématique va se traduire comment sur la partition? Vous prenez l'exemple de Pléiade. Alors, par exemple, ça peut être sur l'idée de vitesse. Xenakis peut décider d'une vitesse centrale, et puis suivant les instruments, ils vont jouer à des vitesses qui s'écartent plus ou moins de cette vitesse centrale. Et donc on est un peu plus dans l'idée de nuage. Les percussions de Strasbourg dans un large extrait des Pléiades que Giannis Xenakis compose en 1979. Voilà ce qui arrive quand un compositeur est aussi mathématicien. Sachant qu'il y en a bien d'autres de cette génération à cumuler des réflexions mathématiques et des explorations compositionnelles. Fabien Kaito, vous citez la 7 théorie. C'est peut-être un des must finalement de la rencontre entre musique et mathématiques au XXe siècle. C'est quoi cette 7 théorie? Alors, la 7 théorie... 7, c'est S-E-T. S-E-T, tout à fait. En fait, en français, c'est la théorie des ensembles. Donc, ça vient d'une théorie mathématique qui a été créée par George Cantor à la fin du 19e siècle. Et les musiciens vont récupérer cette idée de théorie des ensembles. Alors, les premiers, ce sont Milton Babbitt et Alain Forte. Pour faire simple et donner juste les premiers principes, en fin de compte, la 7 théorie... va permettre de penser la musique en réduisant les différences d'octaves, en les neutralisant, et également les différences dues à la transposition. Finalement, on peut se dire que dans le système de pensée de la musique et de notation de la musique, autant la similarité entre deux sons d'une octave à l'autre est prise en compte, puisqu'elle a bien le même nom de note. En revanche, le fait qu'une mélodie transposée, c'est-à-dire qu'une mélodie qui est chantée, par exemple, une tierce plus aiguë ou une quinte plus aiguë, l'être humain et l'oreille humaine va la reconnaître tout de suite, va savoir l'identifier. Mais dans notre système de pensée musicale habituel, ça ne va pas être les mêmes noms de notes. Donc c'est comme si ces deux mélodies étaient différentes, alors que c'est la même. Et la théorie des ensembles va permettre mettre en avant l'identité de la transposition également. Alors, pour donner quelques indications sur cette théorie, chacune des notes va être associée à un chiffre, le Do, le 0, le Do dièse ou le Ré bémol, le 1, le Ré, le 2, etc. Et si j'ai une mélodie ou une cellule ou un motif, par exemple Do, Mi, Sol, 0, 4, 7, il va être identique à le motif Ré, Fa dièse, La, qui est la transposition de Do-Mi-Sol, puisque je ramène ces mêmes motifs à 0, 4, 7. Oui, c'est-à-dire que l'encodage numérique de la gamme va rendre encore plus souples les jeux de transposition. C'est ça, et il va permettre au compositeur, lui dans son travail de conception de l'œuvre, de repérer facilement les identités à travers la transposition. Alors pour donner un exemple et l'entendre ensuite, c'est ce que pratique le compositeur Georges Benyamin dans une œuvre qui s'appelle Palimpseste. Alors le palimpseste, au Moyen-Âge, c'était en fait l'idée que on réutilise un même parchemin qu'on gratte pour écrire dessus, tellement le parchemin était rare. Et puis, avec des rayons ultraviolets, on a pu, en cette fin de XXe siècle, voir les différentes couches superposées. Et Benjamin reprend cette idée musicalement, pour superposer un petit peu des couches hétérogènes. Mais d'un point de vue conception, il s'est posé la question de la cohérence et de l'unité. On avait déjà vu avec Boulez tout à l'heure dans Polyphonie X. Alors lui, il ne va pas choisir la série, mais il va choisir la 7 théorie. Et donc, il va partir d'un ensemble de notes de départ, et il va pouvoir utiliser toutes les différentes combinaisons de cet ensemble. Donc ça va nous donner des transpositions, comme on vient de le voir. Ça va donner aussi, on n'en a pas parlé, parce que toute la 7 théorie en musique est développée du coup, sur la théorie des ensembles, ça va donner aussi des phénomènes d'inclusion. On peut prendre des motifs qui appartiennent à l'ensemble de départ, des phénomènes de renversement, plein de choses comme ça. Et la cohérence, du moins conceptuelle, après, est-ce qu'elle est perçue, c'est notre question, mais la cohérence du moins conceptuelle est garantie par le fait que tout cela vient du même ensemble de départ. Alors voici le premier des palimpsestes de Georges Benyamin. Fabien Kaito est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'est Pierre Boulez qui dirigeait le London Symphony Orchestra dans la première mondiale de cette partition palimpseste de Georges Benjamin, dont Fabien Kaito, vous nous expliquiez comment elle avait été élaborée par le passage par la 7 théorie. C'est fou qu'une théorie mathématique aussi élaborée puisse aboutir à des œuvres qui soient aussi sensibles, qui semblent composées de façon que intuitive en fait. Quand on se déplace sur notre axe dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec un pôle qui est la conception et l'autre pôle la perception, évidemment, donc c'est un axe, hein, c'est pas du tout une dichotomie, et tout compositeur, même tout artiste, navigue sur cet axe-là, et évidemment, il cherche à la fois la conception, il pense à la perception aussi de l'œuvre en elle-même. Et même, il va nourrir des questions qu'il se pose de perception par des jeux d'élaboration parfois extrêmement savants. Ça peut être aussi le cas de Piano Face de Steve Reich, qui va chercher à créer une sorte de dissonance cognitive en se donnant des moyens extrêmement ténus pour y arriver. Et alors ça, c'est arrivé, l'idée est venue à Steve Reich par un accident, j'allais dire, c'est la fameuse sérendipité, le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas. C'était un jour de janvier 1965, et Steve Reich travaille à partir de l'enregistrement d'un prêche, d'un prédicateur pentecôtiste, et il souhaite travailler sur l'idée de canon, et en partant d'une petite phrase de ce prêche qui est « It's gonna rain », il se dit « Tiens, je vais dupliquer cette bande et faire entendre la même bande en boucle de « It's gonna rain » en superposant « It's gonna » le début à la fin « rain ». Alors il cale ses magnétophones, sauf qu'on est en 1965 et puis il travaille avec de vieux magnétophones. Et donc il lance les deux, sauf que les deux se lancent en même temps sur It's Gonna. Mais la vitesse de défilement n'est pas exactement la même entre ces deux magnétophones. Et voilà que se crée petit à petit un déphasage. Et il trouve l'idée du siècle, si je puis dire. L'idée donc de se dire, bah, oui, en fait, on peut partir d'un unisson et peu à peu créer une polyphonie quelque part. Oui, parce que là, vous réinvestissez le terme de polyphonie pour ce qui est une polyphonie de deux mêmes choses qui se défassent par une petite différence de vitesse et débit. Ouais. Exactement. Et l'idée lui vient suite à It's Gonna Rain. Alors, il en a fait une œuvre hein, en 1965. L'idée lui vient 2 ans après, en 1967, d'appliquer la même chose, mais à l'instrument cette fois, et non plus à l'outil technologique, à l'instrument, et donc avec des interprètes. Donc les deux interprètes, un sur chaque piano, vont jouer le même motif. Alors un motif assez simple parce qu'il s'agit de vraiment, à la fois pour les interprètes et pour le public, de l'avoir en mémoire, qu'il tourne en boucle comme ça, ce qui donne donc la musique répétitive et la musique minimaliste. Et puis petit à petit, un des interprètes doit accélérer la vitesse jusqu'à arriver à une nouvelle synchronisation, mais avec le décalage d'une double croche. Et puis à nouveau, accélération d'un des interprètes, le décalage de deux doubles croches, etc. C'est extrêmement difficile à interpréter, puisque finalement, on est sans cesse à devoir... oui, inconsciemment, on veut se recaler sur l'autre interprète. Inconsciemment, on veut jouer ensemble. Alors que l'œuvre demande de ne pas jouer ensemble. Exactement. Voici Alison Scopel et Yang Wesitu qui se sont prêtés à cet exercice. Une pièce de 1967, donc Piano Face de Steve Reich. Thank you. L'œuvre est bien plus longue, mais on entend en 3 minutes comme se joue ce déphasage entre les deux pianos, Alison Scopel et Yann Wesitu, interprétés. Donc, c'est les premières minutes de Piano Face de Steve Reich, dont vous analysez le processus, Fabien Kaito, dans La Polyphonie depuis 1950, que vous avez publié aux éditions Aedam Musicae. Et faites apparaître, à la suite de Piano Phase, un autre type de polyphonie rassemblée cette fois sous, vous dites, le calque de syncrétisme. Alors, l'idée de cette étude sur la polyphonie, c'était aussi se dire qu'est-ce que c'est que cette époque que l'on vit depuis 1950, bien difficile à comprendre sous bien des aspects. Et puis, je me suis dit, peut-être les artistes contemporains peuvent nous aider à comprendre un peu cette époque, et donc notamment les compositeurs. Et donc le premier calque de l'immersion correspond bien à des choses en lien avec l'immersion numérique notamment. La complexité, puisque c'est aussi le lien avec la science, comme on vient de le voir, et les technologies. Et puis, l'idée que aujourd'hui, eh bien, notamment avec Internet, on va retrouver cette idée d'avoir à portée de main l'ensemble de l'histoire et l'ensemble de la géographie de la musique avant l'apparition d'Internet. Chose incroyable. Mais finalement, l'artiste, c'est une éponge et il sent les choses dans le temps, peut-être même avant qu'elles soient complètement concrétisées. Alors, par exemple, dans la Sinfonia, 1968, la Sinfonia de Berlioz, qui fait entendre un grand mix de l'histoire de la musique. Donc, c'est cette idée, effectivement, de faire polyphonie de style. Du coup, on va voir ça. Polyphonie de style, comme aussi avec Zimmermann 10 ans avant. Et puis, moi, ce qui me frappe, ce qui m'étonne encore aujourd'hui hein, dans cette Sinfonia de Berlioz, c'est que finalement, on est sur YouTube, on écoute un extrait d'œuvre et pas une œuvre en entier. Et puis, ça me donne la liste de liens sur la droite, et donc je vais écouter un autre extrait, et puis encore un autre extrait, puis un autre extrait. Sauf que lui, il a écrit ça en 1968, il y a 50 ans. Bien avant Internet, pour le coup. Eh ben oui. Alors, vous insistez particulièrement sur le troisième mouvement. Pourquoi ? Parce que vous aimez Mahler et que, justement, il commence par une citation du scherzo de la deuxième symphonie de Mahler. C'est dans ce troisième mouvement que c'est le plus flagrant, ce syncrétisme de l'histoire. Donc, il prend comme trame de fond le scherzo de Mahler. Scherzo qui est déjà une première récupération. Donc, il y a déjà on peut déjà avoir une perception polyphonique de ce scherzo, c'est une première récupération déjà d'un lead fait par Mahler lui-même. Et donc Berlioz prend ce scherzo en trame de fond et dessus il va coller multitude d'extraits d'histoire de la musique, hein, de Bach, Debussy, Ravel, Strauss et j'en passe, et des meilleurs. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure, alors parfois la toile de fond réapparaît, ce scherzo de Mahler réapparaît. Et puis aussi, au fur et à mesure, le scherzo va être déformé lui-même par ses collages et par ses citations. Alors voici le troisième mouvement de la Sinfonia de Berlioz par l'Orchestre National de France sous la direction de Pierre Boulez. Keep going. danced poem all round an endless chain, taking turns to talk. This represents at least 1,000 words I was not counting on. I may well be glad of them. But seeing Daphne and Chloe written in red, counting the seconds while nothing has happened but the obsession with... I'm in the air, the walls, everything yields, opens, ebbs, flows. Yes, I feel the moment has come for me to look back. I must not forget this. I've not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now. They think I'm alive, not in a room either. Well, so there is an audience. It's a fantastic public performance. And the curtain comes down for the ninth time. You never notice. Les premières minutes du troisième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio, cinquantenaire en 2018, puisqu'elle a été créée en 1968. C'était ici l'Orchestre National de France, dirigé par Pierre Boulez. Dans votre livre La polyphonie depuis 1950, Fabien Caïto, vous passez par une autre acception de la polyphonie telle qu'elle est travaillée par des chercheurs de, comme on dit aujourd'hui, science du langage, et notamment le russe Mikhail Bakhtin, qui avait réfléchi à la notion de polyphonie, mais dans la langue que nous parlons. Et notamment dans les romans de Dostoïevski, dans lesquels il analyse que les personnages sont mis en scène comme autant de consciences indépendantes en interrelation, donnant lieu à la superposition de voix et de sources énonciatives dans un même énoncé. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plusieurs gens qui parlent dans une seule voix. C'est ça l'idée. Et alors là aussi, finalement, c'est une idée qu'on pourrait croire assez récente avec Internet, avec les réseaux sociaux, et finalement sur laquelle on travaille dans cette époque contemporaine, à la fois les penseurs et les artistes. Il y a finalement quand même une unité à cette époque contemporaine depuis 1950, j'ai l'impression, et une continuité. Et en tout cas, ça nous aide dans la compréhension de cette époque. C'est aussi, par exemple, Lyotard qui parle de ça dans La condition postmoderne, et qui dit que le soi est au cœur d'une texture de relation complexe et mobile, placée à des postes par lesquels passent des messages de nature diverse. Et j'aime bien du coup ce parallèle avec aujourd'hui, le fait d'être au centre de différents réseaux sociaux, numériques, et on est traversé un petit peu par différentes temporalités. Et c'est un peu ce qui arrive quand vous écoutez le Hobo Quartet de Elliot Carter. Elliot Carter parle lui-même de personnages, en fait, quand il parle de sa conception de la musique. Il compose avec ce qu'il appelle la polymétrie, donc c'est-à-dire que chaque instrument va avoir une vitesse différente, ça peut être le polytempo. Et puis en plus, il va, pour chacune des voix, faire évoluer cette vitesse, la moduler, et c'est ce qu'il appelle la modulation métrique. Eh bien, on va écouter pour terminer cette émission un extrait du Hobo Quartet d'Elliot Carter. Merci beaucoup, Fabien Caïto. On peut lire aux éditions Aena Musicae votre livre La polyphonie depuis 1950. Merci à vous. Thank you.

Pour finir cette édition des Experts, Gilles Charlassier débriefe l'émission. Fabien Cailletot vient de nous présenter son ouvrage « La polyphonie depuis 1950 », édité par Edem Musicae. Ce panorama réalise en même temps une histoire de la musique contemporaine, tant les différents visages de la polyphonie depuis la Seconde Guerre mondiale reflètent la diversité des évolutions esthétiques de la création musicale de ces dernières décennies. Procédant, pour reprendre ces mots, par calques successifs et naturellement superposables, l'auteur esquisse alors une géographie analytique de la polyphonie qui fait la part belle à une conception spatiale du son. L'une des grandes orientations est justement la recherche d'une immersion du spectateur, faisant du concert une expérience acoustique unique et irréductible. Stockhausen l'illustre de manière paradigmatique dans Gruppen et plus encore dans Carré, où le public se trouve au milieu de quatre orchestres, chacun dirigé par un chef différent. Dans le même temps, à la fin des années 50, Ligeti initie de son côté la micropolyphonie. Atmosphère est un canon à 48 voix, dont les entrées sont si rapprochées qu'elles ne peuvent plus être distinguées. Cette trame plonge l'auditeur au cœur du son, quête qui sera celle de la musique spectrale une décennie plus tard, dans une exploration, comme avec une sorte de microscope, de la texture du son, brouillant au passage les frontières entre les quatre paramètres du son. Ce travail de division analytique rejoint la question de la complexité. Si Messiaen fait figure de pionnier dans l'extension de la série à d'autres paramètres que la hauteur des notes, dans ses mixtures, Boulez pratiquera un sérialisme intégral, une sorte de métapolyphonie qui défie les capacités de perception. Ce rapport à la perception sera d'ailleurs au cœur de la critique du procédé sérial et de son intérêt pour l'oreille. Cela n'entame pas pour autant la confiance dans les mathématiques pour trouver des ressources et des solutions. Xenakis fera appel aux probabilités, tandis que d'autres se nourriront de la théorie des ensembles, à l'instar de Benjamin, d'un palimpseste, pour superposer des couches sonores hétérogènes. On retrouvera ce rapport à l'hétérogénéité dans la polyphonie stylistique de Berlioz, dont sa symphonia constitue l'avatar le plus exemplaire, brassant une profusion de références plus de 30 ans avant Internet. En somme, une modernité visionnaire. Thank you.